C'est la nocturne. Alonso, monsieur Gradure. Brinks dans la nocturne. Gradure, on va écouter son freestyle qu'il a balancé cette semaine. En attendant l'album au mois de novembre, sortie de nouvel album de Gradure. C'est un mixtape, comme on veut. En tout cas, le nouveau projet de Gradure arrive au mois de novembre. La nocturne 100% rap français. Il y aura aussi le nouveau son de Rimka qui a fait un carton. On a pu le découvrir en exclu la semaine dernière dans la nocturne. Je vous repasserai dans un instant avec Rich Omikwan. T'arrives. Planète rap. 100% rap français. J'ai toujours rêvé de me barrer, mais tout à foire. Les sentiments, c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. La pauvreté, une bombe que j'aimerais désamorcer. J'ai toujours rêvé de me barrer, mais tout à foire. Les sentiments, c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. La pauvreté, une bombe que j'aimerais désamorcer. Et aujourd'hui je suis pépère, je me barre sur la côte. Je me rappelle quand j'avais même pas de quoi pouvoir payer une clope. Dieu merci tout a changé, oui c'est danger. Et sur la roue du buzz j'accélère pied au plancher. Les ennemis me guettent du coin, ça blablate comme des chouins. L'école des disques d'or, oui comme I am, demain c'est loin. Et je remercie mes fans quand je partirai. Le jour de mon enterrement, une larme à l'œil comme Gucci Mane. J'ai perdu beaucoup de potos mais je dirai pas leur nom. La vie n'est pas un film poto, je suis pas Alain Delon. Et quand les impôts tombent comme des feuilles en automne, la main sur le cœur comme l'abbé Pierre, je faisais l'aumône. Et plus je réussis et ça sent le roussi. À chaque échec sentimental, mon cœur s'endurcit. Une pensée pour la maman, car elle fait battre mon cœur. La seule qui peut m'apaiser, me faire oublier ses rancœurs. J'ai toujours rêvé de me barrer, mais tout à foire. Les sentiments, c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. La pauvreté, une bombe que j'aimerais désamorcer. J'ai toujours rêvé de me barrer, mais tout à foire. Les sentiments, c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. La pauvreté, une bombe que j'aimerais désamorcer. J'ai rêvé que j'étais riche et je comptais plus mes billets. Dans un futur tellement lointain et mon passé me fuyait. Millions de CD vendus dans les bacs, bêtises mais sous mes draps. Et je voulais plus la quitter, rien que je la voyais dans mes bras. Je déboulais sur la côte, oui l'avenir était nôtre. Je la levais à la mort, on était bien comme sur un yacht. L'amour, une peinture qui nous fait changer de décor. Le sexe nous rend bestial, on se faisait l'amour comme des porcs. Je me rappelle deux ans passés, je les voyais se moquer. Mon succès les a gazés, je les vois tous suffoquer. Compare pas à tous ces trappeurs, moi je suis un artiste. Retweeter ceux qui t'insultent, pour moi c'est comme une satire. Petit polo Ralph, ceinture Versace. Et mon avenir s'embellit loin du trikaki. La vie est belle, je suis sur un jet ski. J'ai plus le temps pour la bagarre, je l'ai laissé à Jet Li. Et je donne ma langue au chat comme Cuny, chienne en furie. Je rêve de l'or mais pas le bronze, demande à Stéphane Curie. Huit potos, la mixtape arrive, elle arrive. Ils vont la sniffer comme la blanche, elle restera dans les narines. Je donne ma langue au chat comme Cuny, chienne en furie. Je rêve de l'or mais pas le bronze, demande à Stéphane Curie. Huit potos, la mixtape arrive, elle arrive. Ils vont la sniffer comme la blanche, elle restera dans les narines. J'ai toujours rêvé de me barrer mais tout à foire. Les sentiments c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. La pauvreté, une bombe que j'aimerais désamorcer. J'ai toujours rêvé de me barrer, mais tout à foire. Les sentiments, c'est comme le vice qu'il faut pas tout déclarer. Et je mets la trappe de côté, le temps d'amorcer. La pauvreté, une bombe que j'aimerais désamorcer. Compare pas à tous ces trappeurs, moi je suis un artiste. Retweeter ceux qui t'insultent, pour moi c'est comme une satire. La vie est belle, je suis sur un jet ski. J'ai plus le temps pour la bagarre, je l'ai laissé à Jet Li. Compare pas à tous ces trappeurs, moi je suis un artiste. Retweeter ceux qui t'insultent, pour moi c'est comme une satire. La vie est belle, je suis sur un jet ski. J'ai plus le temps pour la bagarre. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Rimkoff. Every day. Crois. Every day. Un rebeu dans l'épicerie. J'paye avec des faux cultes. 2 grammes de Colombie. Ça c'est pour faire kiffer ta bitch. J'me suis payé un plus gros prolique. J'me suis payé une villa dans le sud. On vit avec l'Afrique, Ayo Hulk. Y'a des Mexicains dans mon studio. Oh, la vie est belle. Des sous dans un sac de poubelle. La haine et du sang sous les semelles. J'suis comme un esclave contre le maître. Je me rebelle. J'rêve de braquer la banque off américaine déguisée en Père Noël. Aux douanes, j'passe à la fouille corporelle. Ils veulent voir ce que j'ai dans le seul well.

et balancer des messages. Le hashtag Skyrock arrive dans le studio. Bonne nuit, c'est la nocturne, comme chaque vendredi soir. Ima Echo Mike Sera Inzer dans le Tokyo Walk. Ils ont vite à Walking Dead, Sophie Tell en Walking. Local Latina, couleur manque à moi, comme moi la taupe. C'est moi qui pilote la navette, pose pas ton cul dans le cockpit. Pas d'autographe au greffier, la loi n'aime pas les pommades. Les pneus crissent la bacarine sur les lieux comme une tornade. Arrête un peu de la péter. La roue peut tourner, tu perds ton raté, tu béton, tu tronches des angles en promenade. Pareil, tu parles sur WAP. Espèce de grande pute, je vends avec des vérités, tu donnes des leçons de fête. Je t'accorde une photo, mais ne crois pas que ça sent le fit. On se ressemble pas, t'as fait le même parcours que moi, mais sans le fit. C'est big, on pense que j'ai signé le pacte avec le danger. Rien à faire pour toi, même si tu signais, tu serais âgé. Je viens de la fourche comme la clique, je mets du Versace. Mon téléphone arabe est plus puissant que la 4G. Ils le savent, qui détient la fraîche. Les zombies me cherchent. Allo, doggy dog, pareil que ma pauvre chère. Père, pas quelle sera la situation, t'inquiète, je gère. Prenez pas la peine, donnez-moi la peine. Sombre est ton avenir, là faudrait mettre les choses au clair. Tu me croyais fou à la Galilée. Crois-moi que le cul de cette pH était bien rond. Parlez-moi de sous, fuck, être validé. Non, dans mon gabarit, c'est lourd. Hashtag tout est mort. Dans ma tête, c'est Walking Dead. Je me réveille le matin défoncé. Suis-moi dans le parking, baby. Là, je vais te montrer la dépouille du rap français. Le buteur Copolo se fait la passe. Belek Alahanou, c'est la base. Gino Lico sort le Famas. Et le pot d'échappement sort du Kamas. Mets-toi position anale. Ils te l'ont mis, je sais que t'as mal. Hek et Bendé sont niqués. Te prennent le 6-35 après ton qui se fait à mal. Paris, sa main, gère. Dans tous les tests depuis longtemps, donc pour cela que c'est cassé dans ma chair. Montrez-moi les gros chèques et les montants, à que tu pas cher. Le lestil est nickel, j'serai pas là ce week-end. Brasse dans la merde comme la marine, la rue pure africaine dans tes narines. Race de sauvage comme le hacker, tu mises à carreau dans le placard. À l'aise comme Ragnar dans le dracard. Paris se bat bien de Dakar. Flou aiguisé, c'est la punition. PSO Tug, c'est la finition. W-Wang, c'est sa saison. Visser les zombies, c'est la mission. Pour t'allumer, j'ai mon étincelle. Elle tourne la dope, c'est Rick Tincelle. Y'a Jack et le Mess, les bandits et les chefs. Il a Abdel Younes, donc on sort la machette. Et le jour de paye, toi t'es en crise. TDO, notre entreprise. C'est Benelim, Gamilet. 22h, la 5ème day. Viens de mon gaz avec des poutres au bateau. On va vous brûler chez nous tous les jours, c'est Walking Dead. Walking Dead, c'est mon AA12. Je ne rate aucune dette. Papa Walking Dead, PS to Walking Dead. Triangle dans Walking Dead, crâne ensemencé contre la pute. Walking Dead. Je suis mes zombies à tes points à midi. Si ta bitch me demande, dis-lui, je suis toujours ici. Marre de taille des laquettes plates tous les jours. Amar, amar les poches comme si j'étais un four. Pourquoi tu fais le thug? En plus, ton daron, c'est un bœuf. Mon pote a déjà baisé ta meuf. Tu ferais mes gros donner tes seufs. J'suis pas la baie et j'vais péter mon millefeuille. Dans la détente, prends comme ma gauche de Winston. Ce zombie n'a pas de faiblesse. En effet, mon épée s'embrochait dans sa tête. Me demande quel effet ça lui fait. Bang, bang, bang. Dans mon check, c'est Walking Dead. J'te cherche, te traque, ça le traître. Le côté obscur nous dévore. Ces zombies veulent encore un petit bout de ma mort. Dans le manoir, j'effectue la cuisson. Là, les la partition, y'a mon globe qui m'encombre. Ton cauchemar débute à partir du moment où tu me dois des thunes. Gun sous la ceinture, si tu fais un faux pas, j'hésite pas, je t'allume. Et je fête pendant qu'elle perd. Ralenti, on arrive, je baisse la vitre. Walking Dead, c'est mort, t'es dead. Rentre dans le corner, ta dose est prête. Puisse pas brise, squat, là t'es rangard. Armé comme Daryl, les shérifs se mettent en garde. Fume ces zombies dont je prends pas. Comme à des gaz qu'on te prend, on te le rend pas. Toi tu caches ta congonce. C'est pas les caves, gros, c'est l'ambulance. Parle pas sur ma petite, comme un zombie, y'a que ta sœur qui déambule. Snitch, snitch, snitch. T'entends les sirènes, sois zen, c'est pas pour toi. Pute, pute, let's get it. Bande entre riche et belle, sois zen, j'suis trop courtois. Cette bande de putes veut savoir ce qui se passe dans mon tiencar. Moi j'veux prendre la maille, puis j'retourne, puis on s'est peinard. On a tous un truc en commun, on a besoin de gens. Ah. Je dérive, je dérive, je dérive, c'est quoi ce putain de cauchemar? Écoute ce que dis, moi je pèse mes mots. Je fuck des caries, c'est le aéro. Je m'en bats les couilles de leur putain de flow. Numéro uno, 17 zo. Toi c'est pour ton kiff et puis moi c'est pour le zay. Un trafic actif, ouais, il faut que tu te réveilles. Moi je me plains pas, négro, j'ai pas sommeil. Viens de mon gaz avec des poutres au bateau. On va vous brûler chez nous tous les jours, c'est Walking Dead. Walking Dead, c'est mon AA12, je ne rate aucune tête. Papa Walking Dead, PS to Walking Dead. Triangle dans Walking Dead, crâne ensanglanté contre la pute. Walking on Dead. On s'en bat les couilles, t'as des positions. Oui. Sauf si tu jacques, t'as l'interrogatoire. Et le checker sous commission rogatoire. On va te la mettre dans toutes les positions. Fais de flow, j'mette quand j'm'introduis. Toujours à l'heure du crime dès que j'déboule. Ne mens surtout pas sur la qualité du produit. Nous on roule la frappe, tu roules du boule. Cette salope roule du boule. Elles veulent que je lui mets profond. Dans sa queue, je n'ai négro. Il faut surtout pas confondre. C'est Jack, mais c'est Islem. Le cap, tu te la manches profonde. Dans les packs, négro. Tous mes zombies dans les coins sont. J'suis dans la cuisine, j'taffe le crack, négro. Autour de moi, mes négros pètent un câble, négro. Autour de moi, mes négros pètent un câble, négro. Autour de moi, mes négros pètent un câble, négro. J'préfère prévenir que guérir. Commettre que subir. L'oseille au schneck, le cash au chèque. T'as capté ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Ne tente rien, je te verrai venir. Y'a des zombies, ça visère le venin. On arrive à 20 pour t'ensevelir. J'opère au peupon pour les scalper et au katana pour les estropier. J'arrive à la légende écartée. T'as affaire au barbare le plus bourbé. Lion vouloir stranguler le courtier. On est des légendes pour les gars ton quartier. Lion vouloir stranguler le courtier. On est des légendes pour les gars ton quartier. On me chuchote à l'oreille, l'orgueil les pousse à me boycotter. Je les vois courir après l'oseille. Les îles n'ont aucun point de côté. Fais pas le gros zizac, ta porte est blindée. Le jour de ma mort, mes ennemis vont trinquer. Terrain glissant trop fort, pire qu'en léger. Je viens de là où les gros poissons cessent de pêcher. Walking dead, mes ennemis sont dans le King Bar. Les concurrents sont décapités. T'as le nez dans la zipette, pendant que je compare à Zidane. Pour avoir visé au moins Zidane. Walking dead, walking dead. On laissera battre pour qu'un rappeur nous parasiter. Walking dead, walking dead. On a sorti le cycle puis que tu parasites. Viens dans mon 17 avec des poutres en vacances. On va vous brûler chez nous tous les jours, c'est walking dead. Walking dead, c'est mon AA12. Je ne rate aucune tête. X fait pas walking dead. PS to walking dead. Triangle dans walking dead. Crâne en s'augmenter contre la putain. Si je te sers la main, rappeur, je vais recompter mes doigts rappeurs. Je connais tous mes droits rappeurs, tu connais tous les bois. J'ai forgé mon talent sur des mélodies très anciennes. Euphémisme et laconisme latin se mélange à ma voix. Puis quand je vois ce qui est devenu le purage, pisse la rage. Si ça papa veut s'accaparer ma part du gâteau. J'ai trop souffert dans la street pour pas t'enculer ta race. Pareil que tu rases les murs en passant dans mon ghetto. Ça fait longtemps que j'attends mon heure, demande en grande âme. Ils mettent tellement de vos côtés en direct qu'ils sont comme ça. J'grimpe l'arbre de l'arbre brut d'un espèce d'homme sage. Et j'hérite l'Algérie, pareil sur les dorsaux. Le teint, Mossad, les cernes, violettes. Il y a longtemps que je n'ai pas dormi. Walking dead, zombie aux armes. J'ai l'arbalète de Daryl et le magnum de Rick. Walking dead, je ne rate aucune tête. Mon 17 c'est de walking dead. Traînant sanglanté contre la puits tête. Walking dead, ton équipe est distraite. Tu te demandes encore si le crime paie. C'est Mister Bow Wow Wow Yippie Yo débillé. Plus de 6 mois d'insomnie, zombie yo zombie. Je descends du Zodiac, je monte dans la Cadillac. Shimaye, j'allume au Chimi Yo Chimi. Je suis dans ma suite, je joue au docteur avec Tabata. Pilon du riff, on s'en fout du Tagata. Allez bouge, mange gros cuillère patata. Fais-le pour bloquer pas absent, les Vegas sont car plat. Me parle pas, t'as pas grandi dans le zoo. J'ai mis la salle à la parachute dans la sacoche Kenzo. Je me suis jamais sorti, aussi bien je vais bâtir un empire avec les pierres. C'est fils de pute, mon jeté dans le dos. J'appelle tes rappeurs Django, MS17, yes. Viens pas m'emmerder, moi je suis pas dans la jet set. MC's énervé, je te rafale comme RD. Mon micro m'est fidèle comme le ton carré va jet, yes. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. Corps. La crime. Prends pas si t'as qu'une bouteille. Frérot, tout le monde est frais. Tout le monde a de l'oseille. Retourne les plein. Bonsoir si t'as qu'une bouteille. Que des bouffons à ma table. Cherchez pas les problèmes. D'oseille, je vois plus mes mains. Je lève ma bouteille aux ennemis. Aux ennemis. Ils veulent tous être à notre table. Avec le père du VIP. Du gros son dans la caisse. Ne bouge pas tes pieds, bouge que tes fesses. Un gros coupé sur les champs. Au feu rouge, tu pètes une taille de champ. Ici, tout le monde n'est que du Philippin. Une, deux, transac et t'es dans le bain. Tu entends le club, mon équipe à tout prix. Musique de Star Wars toute la nuit. Si t'as qu'une bouteille, frérot, tout le monde est frais. Tout le monde a de l'oseille. Retourne les plaines. Pour ça, si t'as qu'une bouteille, que des bouffons à ma table. Cherchez pas les problèmes. Ce soir, c'est y'a air. Y'a air. Y'a air. Y'a air. Y'a air. Y'a air. Ce soir, c'est y'a air. Y'a air. Y'a air. Y'a air. Y'a air. Y'a air. Ce soir, c'est y'a air. Ah ouais, tu connais. connais toujours frais, mon gars. Regarde ton équipe sans le vomi. Corless, l'addition, mon gars. Soit ce t'es chez Rick Ross ou t'es chez Didi. Dans une boîte à Cannes ou à Miami. Aïe, t'as Dubaï, que fais-tu dans la vie? Une coupe de champagne, craque mon ami. Tu crois que t'as la plus bonne, en vrai, t'as la pire. 5 du mat, after. Une bouteille, en un quart d'heure. C'est fermé, tout le monde se lève. On se barre en Espagne pour passer la semaine. En bas, si t'as qu'une bouteille, mon frérot, tout le monde est frais. Tout le monde a de l'oseille. Retourne le club, on sort si t'as qu'une bouteille. Que des bouffons à ma table, cherchez pas les problèmes. Ce soir, ce y'a air, y'a air, y'a air, y'a air, y'a air, y'a air. Ce soir, ce y'a air, y'a air, y'a air, y'a air, y'a air, y'a air. Ce soir, ce y'a air. Ils disent que l'argent fait pas le bonheur. Et c'est donc avec un million. Le bonjour à tous mes voleurs. 10 bouteilles d'un pérignon. M'aimerais-tu si j'avais pas de sous? Vraiment ça, j'en suis pas sûr. M'aimerais-tu si j'ai des ennuis? Si je suis seul, seras-tu mon armure? Soir, ce, je suis dans le club. Y'a tout ce qu'il faut dans le coffre, gros, tu le sais. Soir, ce, je suis dans le club. Y'a tout ce qu'il faut dans le coffre. Cette planète rap. La nocturne. SCH dans la nocturne. Je ne leur accorderai pas le respect, même s'ils me sucent le bâton. T'es bon, tâche de le rester. Personne t'aidera, ni même Satan. Va t'en prendre ta truelle. Je t'attendrai dans ta ruelle. Je suis dans l'ombre, bang bang. Je vais faire galoper mon naturel. Y'a le vent, la pluie, la faim, la soif, on a la soif. Les flingues, les balles, les étuis. Ton équipe a les temples, les tops, les seringues, les carreaux, les aiguilles. Y'a le jour, la nuit, le devoir, le droit de faire que leur ventre éduise. Y'a ceux qui sont pour, y'a ceux qui sont contre. Mais ceux qui sont contre, ils savent que le doigt je les mûre. Cruel comme Bruel. La misère du monde réside pas dans mon nombril. Hier j'étais sur tes côtes, ce soir elles seront sur mon gré. La rue c'est vous, que c'est vous les clochards. C'est tous des lecoq, tous des sosa. Dans les clips ils tiennent les tailles. Dehors ils tiennent les soldats, les lossards. Millions d'euros, je me ferai pas mettre dans ta rue. Quand t'es sur un deux roues, je suis pas sorti d'affaire en tête à vue. Je suis là pour le prestige, comment être les blessés. Ici on prendrait des piches pour mourir au Tennessee. Oh oui. J'pars en guerre, photo, j'ai mis de l'espoir. J'avais le regard vite dans le square. J'souffre encore des stigmates sous mes sapes. Écoule encore de mon sang où j'sonnais le soir. J'ai fumé ma jeunesse. On s'est fait chier comme c'est pas permis. Les fantômes en renaissent. J'suis pas un trave, cache pas mes peines sous le vernis. Oh, j'suis le terre-ternel coupable sur le R. Mille au top comme Procop, j'viens de péter l'hernie. Du respect pour le paternel, on se donne ce que le temps nous permet, puisque le temps nous termine. Je vais pas te mettre une demi que si je peux te la foutre en entier. Non, je vais marquer les 6 mètres. Elle se tape de mon poste, de mes choses. Cette pute, elle veut m'en double des 6 mètres. Raté plus la piste, je suis au port des abysses. Ziflé sous le matelas, tonton, je suis pas pisse. Je retire, je retapisse, je rentre seul, je rentre assise. Je la prends debout, couché assise. Coupe en gramme, demi-kill d'autonomie. Comme l'homicide avec monotonie. Je suis dans la cabine, t'entends la mort en chromie. Couteau, je suis au fond de ta gorge dans l'audi. Sorti d'enfer, on tient ta vie. J'suis là pour le prestige, comment être les blessés. Ici on prendrait des piches pour mourir au Tennessee. Oh oui, oh oui, oh oui. Millions d'euros, je me ferai pas mettre dans ta rue. Oui. Quand t'es sur un deux roues, j'suis pas sorti d'enfer, on tient ta vie. J'suis là pour le prestige, comment être les blessés. Ici on prendrait des piches pour mourir au Tennessee. Oh oui, oh oui. Planète rap.

J'étais parti de rien, je faisais du sale en scred. J'ai vendu la gueule, trop argent, ça dans la poquette. La rue m'a donné, la rue m'a repris, la vie m'a appris. On ne regrette pas ses choix, chacun assume son tapis. J'avoue que j'ai fait tapis, que toute ma vie j'ai pris des risques. J'avoue que je voulais croquer le monde, j'étais pas un garçon facile. Biafra, Pami, Trotska, dans la famille, là-bas. La ville, la banlieue, là, ont pris le stesby pour faire entrer la solia. Papa, maman ont trop souffert. Il a y'a bientôt sera tout prêt. C'est comme ma fille et je suis ton père. Vous savez pas combien j'ai souffert. Pour moi, ce qui compte, c'est le Zeyo. Pris dans la zig, dans le barrio. J'ai tellement couru dans la souffrance que j'aurais pu faire les JO. Partout dans ce monde, c'est la guerre. J'ai même l'impression que ce monde tourne à l'envers. Partager les joies et les peines, laisser triompher la lumière. J'habite ton père depuis ma tendre enfance. Je sais c'est quoi la galère. Ce monde me fait peur. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Papa, maman, ce monde me fait peur. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Tu peux mourir tout de suite d'un carton ou d'une balle. Dans une course poursuite, les keufs tu leur donnes du mal. Pense aux petits en Asie, dans le confort de tes Nike. Trop de problèmes dans la tessie pour se soucier de ce qui se passe loin d'ici. Trop de keufs dans les quartiers, les loyers sont impayés. On fait la vie facile sans se saigner, même si dans la violence on doit baigner. Ils sont venus chez moi au bélier, en Afrique mon ciel est ensoleillé. Si tu fais du sale tu vas payer, en chien dévaliser la caissière. À demi mort on est incarcéré, les couteaux dans le dos m'ont lacéré. C'est vrai que de nos jours faut pas se faire serrer, encore moins se faire déférer. Je rappelle les drames, de nos vies, de nos tchécars. Y'a plus d'oseille à se faire ici, faut les chercher au phare. Partout dans ce monde, c'est la guerre. J'ai même l'impression que ce monde tourne à l'envers. Partager les joies et les peines, laisser triompher la lumière. J'habite ton père depuis ma tendre enfance. Je sais c'est quoi la galère, ce monde me fait peur. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Papa, maman, ce monde me fait peur. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? À demi-mort, on est incarcéré. Les couteaux dans le dos m'ont lacéré. C'est vrai que de nos jours, faut pas se faire serrer. Encore moins se faire déférer. Encore moins se faire déférer. Encore moins se faire déférer. C'est vrai que de nos jours, faut pas se faire serrer. Encore moins se faire déférer. Comme le taxi de toi là, j'ai le sourire jaune. Sommes-nous audibles par l'écran de ce monde? Comme le taxi de toi là, j'ai le sourire jaune. Sommes-nous audibles par l'écran de ce monde? Rap français, planète rap. La nocturne. Faites place sur la piste. J'atterris. Juste une petite escale ici, je recharge mes batteries. On parle de tout, de rien, tant qu'on en rit. Je ramène les munitions qu'il manquait pour ton artillerie. MC, conçu pour durer, n'est pour ça, je vous l'avais dit. Deux décennies dans le rap est toujours frais. Pas une ride, j'ai pris. Appelle-moi Babyface, t'as l'air assombri. C'est deux, trois gris-gris là, c'est mon côté Amazonie. J'ai le tir dans le cou, hopé au rendez-vous. J'garde la trique et son marabout. J'vis comme le rhum, plus vieux, plus de goût. Ah ouais, t'as pris du mou, t'as plus la gnaque, à quoi tu joues? Faille, t'as pris des sous et ta tête t'as gonflé. Fais gaffe, j'ai les crocs d'un genou. Et l'expérience de Shaolin, un mexicain sur un ring. Un terroriste dans un Boeing, j'fonce droit en haut ton building. Même si tu vas en chier tout ton bling bling. J'fais comme une Cuban Links, trop style normal, j'ai vécu dans le Queens. Fais place sur la piste, j'atterris. J'ai juste une petite escale ici, j'recharge mes batteries. On parle de tout, de rien, tant qu'on en rit. J'ramène les mules, ce qui manque pour ton artillerie. Ok, son monde est au fino. Faut faut garder la pêche et le juice. En place une pour tourner et te use. En conditionnel, faut la jouer douce. Dans cette foutue brousse, c'est se contre tous. Pas le temps pour les peines et regrets. Tu sais, le temps c'est de l'argent, ma chérie. On vit une époque des ermites, c'est gris pour nous ici. Faut retourner au pays, règle dit. T'es trigger au quartier, trigger pour entrer en club, t'es trigger pour serrer. La vie t'a pas raté. Moi, j'ai t'a laissé ses dettes et ses factures à payer. C'est l'argent, t'y reviens. Du rap sans babata, venin amazonien. Certifié par la street, un port outre-Atlantique. Qui t'a envie le budget. Flow, flow, flow, ghetto. Caliente, même ta nana, on est fana. C'est pas de la lambada, t'es trop coincé pour danser. On parle pour Rambana. C'est pour mes guadas, clients africains, arabes, parisiens, que passa. Nous quand on sort de la casa, c'est pour marcher stylé comme les sapeurs de Kinshasa. Fais place sur la piste, j'atterris. C'est juste une petite escale ici, je recharge mes batteries. On parle de tout, de rien, tant qu'on en rit. Soleil de mine, ce qui manquait pour ton artillerie. Babyface de l'extérieur, pas contre trop à la frie à l'intérieur. Un vrai leurre, moi depuis la clique, je suis toujours à l'heure. Dealer, quoi veux-tu nous mettre au placard, prendre notre seul placard. Y'a pas mieux qu'un gars à l'ancienne pour te faire appeler. C'est quoi le rappeur à ce bordel là. J'fais pas dans la dentelle, que du sale des recoutés. Façon Albert du Pontel, mais laisse-le parler. Tous ces bolos, comme s'ils vivaient tous des bracos. Un truc c'est de tirer des bastos, sans un clip et l'autre devant de vrais bastos locos. J'suis trop près de la réalité, de la vraie violence. Pour gober toutes tes conneries, petit relis bien ce que t'as écrit. Que Bella, je traduis au barrio et tous ils en rient. De retour à Paris, un vrai safari. J'reviens trop lourd, t'as perdu ton pari. Calme à la White Paris. Mais quand ça rappe, j'envoie le flow Qatari. Fais place sur la piste, j'atterris. J'fais juste une petite escale ici, je recharge mes batteries. On parle de tout, de rien, ton colori. Je ramène les munitions qui manquent pour ton artillerie. La nocturne. Yeah, processus enclenché. Cinéma, le monde entier explosé. Un dernier jour sur terre à passer. Y'a quoi? Y'a quoi? Yo, y'a rien de neuf. Toujours les mêmes histoires à compter. Les mêmes jours qui passent, les mêmes billets qui filtrent dans mes mains. Les mêmes regards, les mêmes sensations. Fin de siècle oblige, pareil qu'un vestige. Les pierres froides de mal, esprit se fige. Vertige, explosion, police, tir, collision, tension. Manifestation, la violence frappe brutalement comme un fourgon. Les photos planent, la chair en crame. Jour et nuit sous les flammes de l'enfer. Les qui cherchent à prendre la boliane. C'est plein de fauves qui rôdent. Les cités qui se surchauffent. Self contrôle de fraude, de malchance en tout, y'a rien de drôle. Juste le même rire, c'est l'aube qui se barre à chaque fois. En regardant ce qu'on a fait du monde, bon Dieu, j'en ai peur parfois. Des tonnes de guns d'armes, sexe, guerre et calme. On a fait du club, une poudrière, une bombe atomique haut de gamme. Un casino pour narcotique, une banque pour diplomate, aux nombreuses cliques. Ce livre bataille au nom du fric, les guerres saintes, tu parles. Y'a jamais eu de foi, sont désenterrés. Trafic d'armes, d'hommes, de religion, tout pour le billet. L'obscurité se répand, l'enfer sur terre domine, le crime paie. L'homme signe un pacte avec le diable, je le savais. Corruption sur corruption, mafia, politique, paranoïa. Complot, assassinat, CIA, yeah, exploitation. Meurtre, commandite, des secrets, coulis d'appui. Dictature et world company, shoot planétaire. Cocaïne, opium, violence, héroïne, coke, mélange amer. Panique, la terre fait une overdose, que faire. J'ai rien voulu savoir, j'ai contribué à son histoire. J'ai foutu le boxon, maintenant je chiale pour mes enfants, mes garçons. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout tout effacer, pour tout recommencer à zéro. Y'a rien de neuf, rimé, flambé, bluffé, battez les refs, qui a pourri dans l'œuf, le touch, les œufs des meufs, la vie rush, les risques à vaincus, le rush des keufs, mon titre féroce, qui veut vivre fauché. Personne, y'a que la vie est faussée, y'a plus qu'à foncer, tête baissée, poussée à foncer, facile à dire, difficile à faire, mais tout ça on sait, avec tout ce qui s'est passé, pensez que t'arrives à pioncer, les présidents secondés, l'économie du bled fiandé, à se demander demain, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer, sans plaisanter, y'a pas clair pour lui qui nique la santé, j'ai beau boire vidaine, et j'arrive pas à éliminer, mais féminé, t'as deviné gamberge pour m'examiner, mon kikiné en me filant du sang contaminé, de l'armée réformée, la route fournit un taf de fourmis, là tu te propos t'es formé. Mais tu t'accroches bien que t'as le mormé. Insécurité, chômage, misère, fais-toi un morné. Torture, inceste, pédophilie, adultère, antisémite. Pour l'être humain, plus de limite. Bourreau, bandit, deviennent des mythes. Attentat, insolite, insécurité. Bombe de la crypte. La vie sur terre, je la vois pas telle qu'on me l'a décrite. Les principes s'effritent. On fait confiance et traite de cons type qui fume pas, boit pas. Et prétend que la drogue ça constipe. À croire que tout se quitte quand je vois qu'il y en a pas un qui se rebise. Trop tard pour pleurer. J'ai avec ça depuis écœuré. Le pari couru. Mourir ou finir pourri par eux. L'homme est à loup pour l'homme, se poussant sans cesse au maximum. Où va le monde? À la seconde, je me le demande. La fin est proche, c'est le plus faible qui sert d'offrande. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. Juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Pour tout recommencer à zéro. Un dernier jour sur terre. La folie, la terreur, des gosses, des mères qui pleurent. J'ai l'apocalypse, les rues en feu, chaos, des cris d'horreur. Magasin pillé, cambriolage, braquage, rap de billets. Voitures brûlées, femmes violées, le sang coule dans les villes dévastées. Fait soudoyer, jusqu'au rompu, t'en sortes à payer. Dans le vice noyé, l'instinct bestial, j'entends aboyer. Le mal choyé, t'as le choix que si tu peux le monnayer. Chacun se tape le vrai visage que chez ta nuit à tailler. Et yo, y'a plus de justice, la folie balaye tout sur son passage. On parle de carnage, de crimes gratuits, de génocide, de lynchage. Le tonnerre gronde, la pluie s'abat sur terre pour tout effacer. Dieu créa les hommes, les âmes pour se tuer. Y'a bien longtemps que le curé qui bénit ne fait plus de génie. La religion plus de miracle, la science misère débat. La soif de conquête, l'avidité, la fin, l'ambition. La quête de pouvoir, de dominer peuple et nation. Destruction, remake de Mad Max, frère contre frère. Guerre atomique, terre perdue, décadence, rêve déchue. Trop tard pour reculer ou regretter, se lamenter, pleurer. J'emporte avec moi mon passé et tout le mal que j'ai fait. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. C'est juste un dernier jour sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce chaos. Tout effacer pour tout recommencer à zéro. Rap français. Je les vois dealer devant l'école, filer et faire les cons, brûler de bagnoles, fumer du chichon. Enfin tout ça, je l'ai vu à la télé. Je les évite en ville, apparemment ces gars sont fêlés. Aucun respect pour les profs, ça se moque du monde entier. Quand ils ont leur diplôme, ça finit en tôle ou sur les chantiers. La main crispée sur le portable, quand je prends le métro. Quand une voiture dérape, c'est toujours eux dans le rétro. Des journées sur des bancs, car ils sont tous au chômage. En écoutant du rap, leur musique de sauvage. Ça traîne et traite les flics, M. Puis frappe les filles, ne freine jamais devant le défi. En garde à vue, ces mecs défilent. Basket, survêt et casquette à l'envers. Ils font tout de travers, leurs revolvers remplissent les faits divers. Ils errent, et c'est les gangsters qu'ils vénèrent. Et hier, sur mon mur, ils ont écrit en clair: nique ta mère. Ils ont écrit: nique ta mère. Ouais, ils m'ont écrit: nique ta mère. Mais moi, je peux rien dire. Non, moi je peux rien faire, pourtant ils ont écrit: nique ta mère. Ouais, ils m'ont écrit: nique ta mère. Je te jure, ils ont écrit: nique ta mère. Mais moi je peux rien dire. comme d'hab, je dois me taire, c'est ça. Déjà le lieu, une cité où les rêves se brisent plus vite que les vitres. L'ennui fait que l'avenir s'effrite plus vite que le shit. Un triste domicile à une heure du centre-ville. Du béton, du béton, du béton, du béton. Maman ne parle pas trop français, ils sont seuls en classe. Trop cher les cours particuliers, voilà pourquoi elles se ramassent. Voilà pourquoi elles écoutent moins la prof que leurs écouteurs. Les punitions attisent la haine, alors ça sort les cutters. Voilà pourquoi pour se calmer ils prennent un peu d'herbe, un peu d'air. Mais l'air est pollué, ça sent la mort et la guerre. Dans la rue, les grands frères roulent en BMW, qui ne se sentiraient pas attirés par l'odeur du billet. Voilà pourquoi elles deviennent dealers, que ça commence à foirer. Parce que vos fils cherchent toujours de la beuh pour leur petite soirée. Ouais, à l'école tout est bon, la maman croit le fiston, mais lui ramasse les bifetons. Mec, c'est dur sans piston. Malgré tout ça, la plupart gardent la tête froide, tiennent le cap, boss décroche le diplôme et cherche du taf. Ce que le patron lit dans les journaux l'aide à faire le tri, donc c'est un qui fait une connerie pour mille qui en payent le prix. Voilà pourquoi chômage, voilà pourquoi ils abandonnent. Putain, c'est trop dommage, on les traite pas en tant qu'hommes. Contrôle musclé à longueur de journée par les mêmes agents qui les ont vus grandir, parfois même plus que leurs propres parents. Alors ils en peuvent plus, un crachat, une insulte perdue. Les flics n'attendent que ça, voilà pourquoi garde à vue. Dans la cellule couchée, la vie a un goût amer. Ils trouvent un crayon par terre, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Nique ta mère, voilà pourquoi. Nique ta mère, voilà pourquoi. Nique ta mère, c'est tout ce qu'il reste à dire, c'est tout ce qu'il reste à faire. Égalité, fraternité, on n'y voit que des larmes. Allons enfants, aux armes. Beaucoup de haine, beaucoup de peine, un peu de peur. La France n'a pas de couleur. Nique ta mère, voilà pourquoi. Nique ta mère, voilà pourquoi. Nique ta mère, c'est tout ce qu'il reste à dire, c'est tout ce qu'il reste à faire. Frère, égalité, fraternité, on n'y voit que des larmes. Allons enfants, aux armes. Beaucoup de haine, beaucoup de peine, un peu de peur. La France n'a pas de couleur. C'est la Nocturne, c'est 100% rap français avec Big Flo et Oli. C'est extrait de leur album La Cour des Grands. À venir, le son d'Alonso qui revient avec un projet Capo Décapi qui est déjà disponible en précommande. Et puis d'autres sons, d'autres nouveautés, peut-être aussi même quelques classiques durant cette Nocturne. 100% rap français, Youssoupha, ça arrive aussi. Espy, Sams, dédicace à toute l'équipe Beaumaillé Musique. Aux armes. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose life, choose life. Je cherche à ralentir pendant que mes doutes cavalent. Et je vais pas te mentir pendant que tout va mal. Bâtir un empire avant que mon souffle s'en aille. Choose life, choose life. À chaque couplet c'est le combat pour la ceinture. Faut que tes rappeurs remplissent de clichés, même pas les voir en peinture. La street c'est ci, la street c'est ça. Je suis un vrai, je suis un dur. Rasez-moi ces crêtes de tapette et stoppez vos teintures. Faire remonter les pendules, c'est l'heure du titre. Les jaloux n'ont qu'à jeter l'œil, moi j'ai l'œil du tigre. Ce que vous cachez, il faut quelqu'un pour le dire. Je vous le prépare, j'ai bossé tout l'album dans un stand de tir.

suis Alonso. Je vous fais Hagar. Je suis le capitaine Capo. Je suis le capitaine Capo. Je suis le capitaine Capo. Je suis le capitaine Capo. Hugo t'inquiète, nique sa mère, j'm'empête. J'papote avec ma poquette. Gucci c'est obligé, elle quête. Césaire, plutôt coquette. Sous ta gage, j'suis pas genouné. Balèze comme ma poquette en fin de journée. Les poches prennent des formes, les poches perdent des formes jusqu'à la prochaine fournée. 89, goûte à ma teub. 25 ans d'âge, pas dans ta teuf. J'vis serre un keuf, j'monte en étage. Je la bute sous le soleil, c'est de la bonne à sa mère. J'sors de la galère. La vie de ma mère. Ram pom pom pom pom. Hella benga benga. Tant dans la ciudad. J'marche le regard amer. Coup du sombrero. À la Mexico. J'n'ai hezbop sur la tête. Tête, tête à hauteur Chico. Fuck fuck amigo. Sors pas tes mythos. Il me faut la black card, il me faut la white widow. T'es pas tard, je leur fous ma merde et c'est le bazar. Et puis si t'es bonne j'ai le fouet. Et puis devant ton bout j'ai le souhait. Et puis si j'ai parlé avec toi, pétage, fais 500 pompes avant les bras va gonfler. Raye, raye, raye, raye, je la bute sous le soleil, laye. Ouais. C'est les nocturnes PNL, son planant de PNL dans la la nocturne 100% rap français. Un son de Ous devant le D2.0, ça arrive tout de suite. Baccar aussi, qu'on salue, à qui on passe une grosse dédicace ce soir dans la nocturne. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. J'ai mes deux pieds devant le D. Devant le dé, je perds mon temps, je regarde pêcheur faire des i sur le 450. En un an j'ai fait ce que t'as fait, en 4 ou 5 ans. Depuis que j'ai annoncé French Riviera, l'attention monte d'un cran. Ma conso part trop vite, mon petit frère devient grand. J'ai tracé ma route en indépendant, j'ai fracturé des têtes avec mes deux mains. J'ai vécu comme si j'en avais 30, j'ai dépensé comme si j'allais mourir demain. Au checkar la 3-8 passe, chez nous y'a que les balances qui aboient. Genre sur la côte, j'bicrave ma dope, mais cette pétasse veut gober des halois. Ça traîne en équipe, nique la brigade des stupes, nique la brigade scientifique. Deux trois affaires j'anticipe, teste les tarots t'archifie. Depuis que j'rappe mon bénéf s'amplifie. Puis j'suis refait, y'a du feu dans tous les points de vente. J'arrive lourd en effet, remets-nous des glaçons Jeffrey. Oui j'ai signé, French Rivera sort en indépendant. Petit frère quand tu vas cambuter, fais comme Elam, j'mets les gants. Mets les gants, mets les. Maintenant ma petite sœur me voit à la télé. Y'a du shit dans le cello, des preuves scellées. Si le rap ne marche pas, je repars dealer. Pensez à tous les rappeurs oubliés. On arrive les poches vides, on repart plein de billets. Pensez à tous les rappeurs oubliés. On arrive les poches vides, on repart plein de billets. Pensez à tous les rappeurs oubliés. On arrive les poches vides, on repart plein de billets. Une pensée à tous les rappeurs oubliés. On arrive les poches vides, on repart plein de billets. J'ai mes deux pieds devant le dé. Hein? Mat CPD, il se donne en spectacle. Comme mon père, je suis une personne respectable. J'ai le cul devant le dé, je gratte un mur, je mets du Doliprane et je rajoute un peu de Smecta. Crayou pull up, c'est l'hectare. J'ai fait du buzz, ouais, c'est l'extase. J'ai toujours la même place auprès de mon équipe. Demande à Rimkov, demande à Portos, demande à Jamili, l'instru, on la met en U. Mais dans le rap, je m'imagine pas faire carrière. Tu me proposes de faire un tête, mais ça rend jaloux tous mes négros derrière. Je coupe 30 lamelles sur la quête. Je me roule un gros pétard sur ma tape. Je fais passer le temps, je me la pète. Bref, je suis devant le dé, y'a rien à faire. La police nous déclare la guerre, on va la faire. Cette fois-ci, personne va demander un temps mort. J'ai les chicots qui rayent le parquet, mais si le rap ça paye, je me fais des dents en or. Celui qui teste ton unique, c'est grand mort. Tu voulais la rue, la vraie? Tu me connais pas? Comme on dit, pas vu, pas pris. T'as jeté ta sève dans les chiottes, t'as tiré la chasse avant qu'il défonce la porte. L'adrénaline prend le dessus sur la peur. Il pleut de la haine, demande à Catherine Laborde. C'est A2L et Hakim comme backer. Fini rappeur, RMiste ou braqueur. J'ai dealé, j'ai fait le passeur. La French Riviera connaît mes textes par cœur. Pensez à tous les rappeurs oubliés. On arrive les poches vides, on repart plein de billets. Une pensée à tous les rappeurs oubliés. On arrive les poches vides, on repart plein de billets. Une pensée à tous les rappeurs oubliés. On arrive les poches vides, on repart plein de billets. Une pensée à tous les rappeurs oubliés. On arrive les poches vides, on repart plein de billets. Planète Rap 100% rap français. Nyx à découvrir dans la nocturne maintenant. Ah il fait tourner le monde, donc tourner la tête. J'ai boosté ma zik, elle est balèze, maintenant elle raquette. Je contrôle plus la jeunesse, pense qu'à se péter la tête. Je fais des clips un peu fly, tout le monde dit que je me la pète. Easy hit maker, j'avoue, je fais mal à la tête. J'ai la vision du sniper, chaque rime une balle à la tête. Petit a fait vibrer, mon tel dont j'étais busy. Je vais finir par décrocher, puis faire vibrer son physique. Le football, tu connais Lionel Messi. Si tu connais le peura, bah tu connais N-Easy. C'est aussi simple que ça, même les imbéciles l'ont saisi. T'as trop à mémoriser mon son, mais mon number aussi. En fait, on n'est pas docile, libertin et grossier. Mon art est pire qu'un fossile, gardé par les anciens. Si un jour t'es en chien, galère ta meuf est enceinte. Fais comme les boys de chez moi, vole le politicien. On est toujours au okay. Tu vas croire qu'on est bloqué. Les gros sont toujours au okay. On est la petite nouvelle, moins pressée de se barrer. Appelle mes sauces ce week-end en chill sur Paris. Une petite anglophone sur mes côtes, I'm sorry. We ballin', bah les parquets dorés. T'as bien raison ma biche, c'est ton N-Easy adoré. C'est plus un game en fait si, mais un jeu d'enfant. Vu comme c'est parti, sur ton boule, j'tire ma révérence. Beau gosse, ce soir on est beau gosse. We go hard, let's go stop. On fait la paire, yeah, it's so love. So love, baby. Show off, yes. Ce soir y'a son show off. Hey. On vit qu'une fois, let me show love. Yeah. Let me show love. Yeah. I hate it, watch me take off. Boy, on est toujours oh. Okay. Tu vas croire qu'on est dopé. Les gros sont toujours okay. Homie, jamais on stop. Bande enfoiré, on dit quoi? Des hommes, moi c'est bien moi, le TZ qui t'est traîné sur le sol. Je donne les ordres, on m'escorte par énorme. Mes bicots sont baisés, pas sûr que d'ici tu ressors. Si les forces de l'ordre me délogent, envoyez de la bonne zèbre à mon petit retrait vol. Je m'endors sous ton père, car mon ordre dans sous terre. Ma foi que bico, y'a rien dans le corps. Des bacs dans la voiture, donc un dans la nature. Trois bicots en filature, il s'agit d'une inestimable peinture. On fait partie de ces physiques ingrats que la solitude a condamné sur l'asphalte. Viens pas m'importuner si ta pute s'est tatouée High Slam 6 sur la chatte. X le baby, le baby. De la drogue t'as les Pays-Bas. Je rends visite à mes ennemis calibrés. Sans avoir inhalé de Beida. Je veux sortir mes types de la street. J'ai pas le public Dynamo Jar. Je veux pas m'éterniser, je connais la suite. Et je ne vendrai pas mon âme au diable. Assolant ces rythmiques tellement assolants. J'aimerais voir nos procès éclaircir. Sombre génétique d'un VA, c'est l'heure où on me surnommera Ice Lem. Si, me désire tel pour ce que je suis, me désire tel pour ce que j'ai. L'opinel est dans ses parésies. Elle se servira de ce que j'aime, de ce que j'aime. Je prends mon indépendance comme l'a fait mon peuple avec la puissance colonisatrice. Ice, ta tête est mise à prix, tu provoques l'idolâtrie. Je voulais représenter la misère, la déchéance, les frères en ont pris. Je voulais saisir ma chance au corner, j'avais peur de ne rien faire de ma vie. X fait barbare, j'ai donné ma jeunesse à la rubic, au black, au blanc, qu'on reconnaisse. Qu'on renaisse, d'autoroute, train de virer en cambolesque. Un algérien, trois pétailles, une arme de l'Est. Il me suffit plus d'un zeste de génie, mon flan vient de Los Angeles. C'est la MS-17 qui saisit tes tronlis, ton or et ta Rolex. Que la juge nous relaxe, que mes bicoronnes. Trois balles dans ton thorax, torse nu sans tes max, t'as retourné ta veste. Que la juge nous relaxe, que mes bicoronnes. Trois balles dans ton thorax, torse nu sans tes max, t'as retourné ta veste. Je réanime le rap game au défibrillateur, grimpe dans la Cooper Beach. J'défilais des lapeurs, prestigitateur, arrogant, jeune et riche. Énervé dans le square, en discours calibré sous un ciel sans étoiles. T'as dénoncé ma squad pour qu'ils t'ont les vrais bics, on dise que c'était toi. J'connais pas le désarroi, je fais partie des rois, sans effroi je les froisse. J'ai grandi dans des droites, cache l'escale, mes ennemis s'attendent tête à tête quand je les croise. Philosophie cartésienne, on vit au jour le jour, il fait de carpe diem. L'attitude est parisienne, j'ai fait rouler du jaune à trama norvégienne. Ferme la curva, tape, y'a ta cocaine sur la table. J'ai le mental d'Ali, la pointe, l'arabe vous attaque. Ferme la curva, tape, y'a ta cocaine sur la table. J'ai le mental d'Ali, la pointe, l'arabe vous attaque. X veut baby, le PIB. De la drogue t'as les Pays-Bas. Je rends visite à mes ennemis calibrés, sans avoir inhalé de Beida. Je veux sortir mes types de la street. J'ai pas les publics Dynamo Jar. Je peux pas m'éterniser, je connais la suite. Et je ne vendrai pas mon âme au Jar. Assolant ces rythmiques tellement assolants, j'aimerais voir nos pensées éclaircir. Assombri génétique d'un VA, c'est l'heure où on me surnommera Ice MC. Me désire tel pour ce que je suis. Me désire tel pour ce que j'ai. L'opinel est dans ses parésies. Elle se servira de ce que j'aime. De ce que j'aime. Will Star is in the building. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Une maison, des crayons, une saison, des petits bonhommes dans un rond, un héros sans raison, un nuage, une fumée, un deux feuilles, une fusée, les rouages déguisés, les rocards désappuyés, petit con, petit frère, une fleur contre une pierre, cœur de plomb, petite sœur, les bombes détruisent les hommes, on s'épuise à se comprendre, on séduit à s'en vendre, on est des clowns pour nos cœurs, le nez rouge nous étrangle, sûr d'être droit, j'écris mes textes de travers, on est raciste de nous-mêmes, on s'aime que dans la manière, un foulard pour un peuple, le monarque de la peur, parfumé au courage, qui pue la merde fait fureur. Quelques rimes sur des rails, je crée des chemins par des lignes. Attendre son sauveur, c'est attendre que le soleil lui fasse bonne mine. Le silence en lecture, c'est comme voir lancer les mots. Entre les murs d'un sourire, je pleure, j'ai perdu mes héros. Famille, un fusil, un avion, des gribouillages sur un mur, la feuille n'a plus sa maison, une couleur, un nuage, une douleur sur une page, l'hirondelle du jeune âge, immigré du désespoir, quelques mots dans un seau, du pétrole pour de l'eau, les rites sont les rivières des visages, l'amour des défauts, les héros du paraître ont bombardé tout le globe, on a les clés pour ouvrir les sourires, on se ferme les portes, au boulevard de l'effort, je vois que les maisons désertes, au boulevard des grands hommes, combien sont-ils à paraître, la noblesse de l'instant, le monde à travers ses lettres, on régresse dans le présent, on recule dans le sens de l'oseille. La liberté d'une pétale au gré des vents, des rivages. Si l'amour ne boit plus, reprend que nos jardins ses fans. Actionnaires de nos regrets, déficitaires du progrès. Pas dictionnaire pour la paix, écrire bonjour ta paix. rap. 100% rap français. Je ne vois plus que des clones. Le rap a évolué, change de face. Mais chaque époque a ses classiques. Old school, new school, peu importe. L'important c'est le respect de la musique. Hey. Aéroport de Bogota, Paris au top avec Butch, kilomètre et mato, mat music, c'est la Pac Mafia. Ça fait plaisir de kicker sur ce classique, une spéciale pour mes causes, casse-tête à Ox Butch. Et bouge, si t'as pas la dalle derrière sa pose, c'est pour mes serres en foulard et les ambiances au yo-yo. Un couplet crade, sorti de la vega. T'inquiète pas, j'ai peut-être des petits bras, mais je la tâte pas. Faut que les maisons de scud et leur magie du tiroir, c'est la elle bouge de trejard qui marche dans l'anonymat. Truc de fou, truc de dingue, truc de fêlé, truc de malade, fuck le Ben, fuck Sarkon est tous cordas pour Masmala. Et nos royas qui marchent droit depuis le 11 au point du doigt. Les pubs en chiché, y'a vert, jaune, rouge. Tu connais le drapeau, je casse d'aide les ghettos yachts. Un gros wad à l'étape voyou. Pas besoin de fumer pour trouver l'inspé. Et frolo, je suis naturel, je carbure à l'air pur. Les lésites ne va pas avec l'air pris. Mais si tu veux goûter, je te roule un spliff de mesure. Les pifs changent de main, fais leur passer le monde. N'hésite pas à se salir pour alimenter le frigo. C'est la dèche, on attend le jour de paix. Le drapeau blanc pour symbole de paix. J'y véhicule un tas de tristesse dans le couplet. J'y mets de la finesse, y'a des gosses qui peuvent écouter. Certains dans la luxure ont le regard noyé. Regardez bien ce que la souffrance vous la voyez. Imagine une prunelle dans la face à Le Pen. Fils de putain mérite qu'on l'enterre. Imagine en Thaïlande tous les gosses qui tapinent. S'ils légalisent le bédo, ça vendra la cocaïne. Imagine Pacard, disque d'or, t'imagines l'Algérie qualifiée en Coupe du Monde. T'imagines tous ces mômes qui meurent de famine. 30 ans, l'espérance d'une vie au Brésil. J'suis venu toquer à leur porte, ils m'ont demandé c'est qui. J'leur ai dit c'est le roloto des blocs. Faut tout pour faire un monde, passe une proche, j'te la découpe. J'lui casse les côtes en mode guerrier comme sur les sentiers de Beyrouth. Bagarre, c'est le gars de Bléda, j'avance à petit pas, dégage. C'est pour la mif, arbeille au village. C'est pour les bonhommes et les petites canailles. C'est pour ceux au placard, surtout garder le panache. C'est pour les frères qu'on la voit. C'est pour les petits Zidane, c'est pour ceux qu'on plastique pour éviter le sida. C'est pour les futurs fidèles et les futurs imams. Est-ce vraiment de la tristesse que tu lis au fond de mon regard? Dis-moi, j'ai pour nos morts quelques rimes à dédier. En quelques mots, c'est un hommage à tous les quartiers. Les armes apportent que dalle à part la mort. Si tout le monde lève le poing, c'est qu'on est tous d'accord. Sachez que jouer du flingue n'est pas un jeu. Messieurs les députés, venez faire un tour en banlieue. Combien de bavures commises sur un bronzé, combien de frères tabassés et combien d'étouffés, combien de mères en pleurs, combien de frères en taule, combien de femmes innombreuses dans une petite piole. J'ai mal et ça se ressent dans mes écrits, toute ma jura est contenue dans tous mes titres. Le temps défile assis peinard sur un banc, mais bon, en attendant mon encre coule autant que le sang. Une spéciale pour mes rangs pas contents trimés. Je n'oublie pas d'où je viens même si j'ai signé. C'est pour ma famille, ma culottine et ceux qui me suivent. Que Dieu me préserve du mauvais œil, ennemi. La vie d'en bas n'est pas tous les jours facile. Y'a les proches qui partent et les problèmes de famille. Ibrahima, Kérim, Kati, Aboubakar, Jérôme. On n'oublie pas tous ceux qui sont partis. Quelques rires versés à des amis que j'aimais. Je me rappelle de ces fous rires qu'on a partagés. Le temps passe et je continue de vous aimer. Votre présence nous manque si vous saviez encore. Comme la bombe Hiroshima en 45, quand t'apprends que ta gamine a 14 piges et enceinte. Tous ces bâtards politiciens mafieuses, putain t'as d'usine qu'à esquinter la santé de nos vieux. Lorsqu'un ami donne ton place en garde-à-vue, ce fils de pute tire un trait sur l'époque du cartable. Comme un molard sur le drapeau français. Comme cette taupe qui circule en sachet. Comme ces prêtres qui violent des mômes à l'église. Toutes ces bouches qui parlent mal des musulmans. Al-Qaïda gagne les échecs contre New York. Comme l'autre connard qui rate Chirac en pleine tête. Quand un poulet se fait retirer en banlieue. Car j'ai le son qui met la pression, mon vieux. Y'a ma voix dans les enceintes. Y'a le chétan qui t'entraîne dans la descente. Y'a ceux qui cherchent un peu d'amour avec des billets. Y'a ceux qui ont pas été décorés, faut pas les oublier. Y'a mon place qui tourne, y'a ceux qu'on zen poudré. Y'a les bouffons qui rien à branler à part jouer les poupées. À la peinture, y'a mon place graffé. À la tienne, on se prend un verre au café. À la santé, ta liberté. Y'a la France, t'as une tête envers l'Afrique, tu sais. Y'a des choses à ne pas faire, y'a les types à ne pas inciter. Y'a l'album dans le four, y'a la tape, 11 octobre. Hors de question de lâcher. T'inquiète, je me cramponne, je voudrais remercier. Kilomètre et bout, j'ai ma dôme explosif. Et ma musique, marre des fausses équipes. Des sans flow qui rappent mal, moi je reste classique. Bagarre car c'est la loi du point final. Hey, Et point final aussi pour la nocturne ce soir, 100% rap français avec Bakar qu'on salue une fois de plus et son classique à l'instant, ainsi que son nouveau morceau auparavant dans la nocturne. Prochaine nocturne dans une semaine, dès lundi le retour de Maître Gims. Gros carton hein, pour l'album de Gims, 85 000 albums vendus en l'espace d'une semaine. Rendez-vous 20h-21h, on fera le débrief de tout ça avec Gims. Et toute la semaine prochaine, passez une bonne nuit, fabuleux, au contrôle, rap, R&B en non-stop. Ciao. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock, rap et R&B non-stop.